Chapitre 5e. Bonjour Bernard, quand partons-nous ? Diantre, jeune homme, vous êtes vif comme un ver de raie, comme un lézard vert, répondit le conducteur qui faisait le service de langue à Aubrive. 5 heures viennent à peine de sonner à Saint-Mamès, et je ne démarre pas avant 6 heures. Eh mais, ajouta-t-il en montrant hors de l'appâtage sa rougeotte figure ensommeillée, c'est-il vous, monsieur Antoine ? J'avais bien dit que, quand vous reviendrez, vous auriez de la barbe au menton. Je ne me reconnaissais pas tout d'abord, tant vous êtes renforci et embelli. Antoine Verdier était en effet un beau garçon de 30 ans, svelte de taille, large d'épaule, ayant le teint olivâtre, une barbe noire bien plantée, le visage à la fois sérieux et ouvert. 2 détails frappaient surtout dans sa figure expressive. Les yeux allongés et demi-voilés, d'où jaillissait un regard caressant et pénétrant, et le front haut, large, intelligent, coupé verticalement entre les sourcils par 3 légères rides qui indiquaient l'habitude de la réflexion et de l'observation. Sa parole nettement articulée et pourtant douce, ses gestes sobres et énergiques annonçaient une nature bien équilibrée et un homme déjà maître de lui. Il se promena un moment devant l'auberge où la voiture, non encore attelée, stationnait sous le porche de l'écurie. Les matinales lueurs d'une belle journée de la fin d'août commençaient à éclairer la rue déserte, et l'on entendait sonner la diane dans les casernes de la citadelle. « Je vais toujours en avant, » dit brusquement Antoine au conducteur, « et je vous laisse le soin de mes bagages, Bernard. Nous nous retrouvons à la montée de Pierrefontaine. » Il traversa la ville endormie, descendit la montagne par un petit raidillon qui aboutissait au chemin de Noidan, et suivit d'un pas allègre la route herbeuse et imprégnée de rosée. On sentait qu'il était heureux rien qu'à la façon dont il marchait en brandissant sa canne. Il regardait d'un air souriant le ciel couleur de perles où le soleil n'avait pas encore paru et où la lune montrait sa pâleur de médaille effacée. Il écoutait le réveil des alouettes et se rappelait combien de fois, lorsqu'il était au collège de Langres, il avait pris ce chemin, le samedi soir, pour aller passer en famille son congé du dimanche. Les fermes éparses dans les champs moissonnés, les huttes des cantonniers, les petits villages aux toitures de pierre plate, défilaient devant lui comme de vieux amis bienveillants. Il allait, et l'enivrement du retour, uni au charme de cette claire matinée, le possédait davantage à chaque pas. Quand il eut dépassé Perronnier, et qu'au soleil levant il vit les masses verdoyantes de la forêt moutonner devant lui, son cœur ne fit qu'un saut, sa gorge se serra, et des larmes lui vinrent aux yeux. « Foin de Bernard ! » s'écria-t-il. « Ce serait naïf de l'attendre et de m'enfermer dans sa patache, tandis que je puis, tout à mon aise, marcher sous bois jusqu'à Aubrive. » Au lieu de descendre vers Pierrefontaine, il prit lestement l'ancien chemin des Romains et atteignit en quelques minutes la lisière de la forêt. Là s'élève un antique tumulus celtique qu'on nomme le Feu de la Motte et où il se reposa un moment avant de continuer sa route. À ses pieds, dans un creux de ravin, la source de Laujon modulait ses premiers gazouillements et au loin, tous les coqs de la ferme de Criet s'égosillaient. Que de fois aux vacances, Antoine était venu s'asseoir dans la grande herbe du tumulus pour s'y absorber dans la lecture d'un vieux volume tout plein de l'histoire des hommes célèbres. Parfois il s'arrêtait au bas d'une page et la tête montée par les aventures qu'il avait lues, il prêtait l'oreille et lui semblait que les fées de la forêt s'éveillaient autour de vieux tertres celtiques pour y prédire de triomphantes destinées. Les vertes retombées des hêtres se balançant sur son front avaient l'air de lui murmurer en sourdine « Toi aussi, tu auras de la gloire. » La gloire, il ne la possédait pas encore. Dans la carrière qu'il avait choisie, la notoriété n'arrive que lentement. Mais son chemin, du moins, était frayé. Les broussailles et les fondrières étaient maintenant derrière lui. On citait avec éloge ses premières découvertes. On vantait la sûreté de ses observations physiologiques et surtout ce don de l'intuition, ce je ne sais quoi qui fait d'un savant un trouveur, c'est-à-dire presque un poète. Et il était jeune. Il avait en réserve une longue suite d'années fécondes. Il se sentit pénétré d'un sentiment de gratitude. Encore un peu, et il aurait baisé pieusement le sol de la forêt, cette terre natale qui, pendant des siècles, avait nourri les obscures générations de paysans d'où il était sorti. Il entendit la voix grêle de l'horloge de Perronnier sonner 9 heures. « Égoïste, se dit-il, tandis que tu t'amuses à rêvasser, ta brave femme de mère compte peut-être les minutes. Bernard arrivera sans toi, et toute la famille séchera d'inquiétude. Allons, en route. » Il prit son bâton, se laissa couler au bas du tumulus et marcha rapidement sous les arbres. Il avait déjà traversé un bon quartier de forêt, lorsqu'en coupant obliquement un carrefour, il aperçut au fond d'une tranchée transversale un épais nuage de fumée. Il lui sembla même distinguer une vague forme d'homme ou de femme qui faisait des signaux. « Hein? Qu'est-ce qui brûle là-bas ? » se demanda-t-il. Et il s'était déjà engagé spontanément dans la tranchée quand un hop lancé par une voix sonore et envoyé évidemment à son adresse lui fit doubler le pas. À mesure qu'il avançait, les objets devenaient plus précis. Il distingua bientôt un attelage immobile au milieu de la tranchée. Un garçon d'une quinzaine d'années allait précipitamment du chariot à la berge du chemin, épuisait de l'eau dans son chapeau de feutre, grimpait sur l'une des roues, vidait sur les matériaux fumants ce seau improvisé, puis recommençait son manège. Au bord du talus, un petit cheval, la bride sur le cou, tondait sans façon les pousses des hêtres, et au milieu du chemin, une jeune fille aux cheveux d'un blond ardent, relevant d'une main sa jupe d'Amazone, agitait l'autre en l'air pour inviter Antoine à se hâter. « Arrivez vite, monsieur !» lui cria-t-elle dès qu'il fut à portée. « Ce garçon perd la tête et son chargement de charbon va flamber si on ne lui vient en aide. » En effet, dans la longue banne, pleine jusqu'au bord, on entendait de sourds crépitements. On avait sans doute chargé le charbon avant qu'il fût complètement éteint, et une fois en route, le courant d'air avait suffi pour tout rallumer. La jeune fille avait été attirée par la fumée et les cris du conducteur qui s'arrachait les cheveux, ne sachant plus à quel saint se vouer. « C'est moi, » dit-elle, qui lui donnait l'idée de s'arrêter près de la source et d'y puiser de l'eau avec son chapeau. « Malheureusement, » répondit Antoine en considérant avec surprise sa jolie interlocutrice qui n'était autre que Mademoiselle La Tremblay, « ces quelques gouttes d'eau ne servent guère qu'à alimenter la combustion. » Il faudrait jeter bas une partie du charbon et répandre sur le reste de la terre mouillée. « Est-ce que la vente des charbonniers, loin d'ici ? » demanda-t-il au charretier affolé. « À une bonne demi-heure, monsieur. Cours prévenir les charbonniers. Dis-leur d'apporter un seau, des pelles et un pic. Pendant ce temps, je verserai de l'eau sur la banne. »« Monte sur mon cheval, s'écria Raymond, tu iras plus vite. » Le garçon ne se le fit pas répéter. Il tendit à Antoine son feutre mouillé, se jucha sur le dos du petit cheval et le lança dans la direction de la vente. « Puis-je être bonne à quelque chose ?» reprit Raymond quand elle fut seule avec Antoine près de la banne grondante. « Si vous ne craignez pas de gâter votre robe, répliqua-t-il, vous pourriez remplir à la source le chapeau de ce garçon et me le tendre une fois que je serai monté sur l'une des roues. Mais ce sera une besogne ennuyeuse et fatigante, mademoiselle. « Je ne suis pas une petite maîtresse, » dit-elle en riant. Elle retroussa légèrement sa jupe, la noua par derrière, jeta sa toque sur une cépée de cornouiller et se mit en devoir de puiser de l'eau. À mesure que le chapeau était plein, elle se redressait et le présentait à Antoine qui, appuyé contre le treillis de la banne, en versait rapidement le contenu sur les charbons fumants. Leur attention à tous deux n'était pas tellement absorbée par ce travail qu'ils ne prissent le temps de s'examiner l'un l'autre à la dérobée. Raymond lorgnait du coin de l'œil la tournure élégante et la figure expressive du jeune voyageur, campé en équilibre sur le moyeu de la roue, la tête en pleine lumière et les cheveux au vent dans un nimbe de fumée. Quant à Antoine, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la jeune fille lorsqu'elle se relevait, dressant vers lui, à l'extrémité de ses bras nus, le feutre ruisselant. Le haut du corps rejeté en arrière laissait mieux voir les contours harmonieux et souples de son buste, les inflexions serpentines de son cou bien blanc et la carnation satinée de ses joues où l'agitation avait répandu une délicate nuance rose. Le soleil, filtrant à travers les arbres, faisait pleuvoir sur ses cheveux et sur son visage des gouttes d'ombre et de lumière dont le jeu changeant accroissait encore la séduction de ses grands yeux. Cette besogne, à laquelle elle n'était pas accoutumée, l'essoufflait un peu et sa jeune poitrine palpitait. « Reposez-vous, mademoiselle, « j'irai moi-même puiser de l'eau, » dit Antoine, touché de sa bonne volonté et trouvant que c'était un crime de condamner à un pareil travail une aussi jolie personne. « Non, non, » répondit-elle, « je vous assure qu'on s'y fait. »« Je vous en prie, reposez-vous, » répéta-t-il en sautant à terre et en lui prenant le feutre des mains. Les yeux du jeune homme avaient une expression de volonté qui frappa Raymond. Elle se mordit les lèvres. « Vous me trouvez trop maladroite ?» dit-elle d'un air piqué. Il se repentit d'avoir été un peu brusque. Son regard sérieux redevint subitement caressant. « Au contraire, » reprit-il en souriant, « je vous admire. Mais vous avez assez travaillé. Du reste, les charbonniers ne peuvent tarder maintenant. » En effet, quelques minutes après, le trot du petit cheval breton résonna dans un sentier voisin et les charbonniers haletants débouchèrent dans la tranchée. Ils avaient apporté avec eux les outils nécessaires et se mirent rapidement en besogne. Après s'être assuré que son aide était désormais inutile, Antoine, impatient de continuer sa route, prit congé d'eux, tandis que Raymond, courant à son cheval, rajustait adroitement la selle. « Te voilà en nage, mon pauvre Janik, » dit-elle à l'animal en le flattant de la main. « Bah, je te laisserai souffler, et je vais faire un bout de chemin à pied. » Elle donna de légères tapes sur ses cheveux ébouriffés, se recoiffa et rejoignit Antoine, pendant que le petit cheval la suivait par derrière comme un chien. Ils cheminèrent rapidement jusqu'à un carrefour où quatre tranchées se croisaient en étoiles. Raymond jeta les yeux à droite et à gauche d'un air indécis. « Je ne m'y reconnais plus, » fit-elle. « Où sommes-nous ? » « Au carrefour de la Tillaille, » répondit-il, « et cette allée que voici débouche sur la route. Vous retournez à Aubrive, mademoiselle ? Non, à Vivet, je demeure à la Maison Verte. En ce cas, ayez la bonté de me suivre. Au bout de la tranchée, vous verrez le chemin de Vivet. La Maison Verte est donc habitée maintenant ? Vous devez trouver le pays un peu sauvage ? J'aime les choses sauvages. D'ailleurs, quand on a été claquemuré 6 ans dans de maussades pensions, c'est un plaisir de courir en plein air. À la maison, on me laisse la bride sur le cou, et j'en profite, comme vous voyez. Je suis amoureuse de la forêt. Elle est si belle, dit Antoine en s'animant. Il y a tel coin de nos bois qui ressemble à un jardin, celui-ci par exemple. Il s'était engagé dans une allée ombreuse, humide, encaissée entre de verdoyants talus, plantés de tilleuls et baignée par des sources qui coulaient à petit bruit sous l'herbe épaisse des fossés. Cette ombre et cette abondance d'eau avaient développé une végétation plantureuse. Des reines des prés et de hautes impératoires croissaient confusément le long des rigoles. Les sveltes rampes des digitales jetaient çà et là une note pourprée au milieu de ce fouillis d'ombelles grises et des graines pâles sur lesquelles de grands papillons fauves se jouaient dans un rayon de soleil. Raymond examinait ces détails avec attention et ses yeux grands ouverts exprimaient à la fois le plaisir et la surprise. Elle n'était jamais venue dans cette partie de la forêt, et cependant ce paysage avait pour elle je ne sais quoi de familier. Il lui semblait avoir déjà vu quelque part ces bouquets de tilleuls, aux fûts élancés et minces, ces ornières humides et ces digitales empourprées. Tout à son étonnement, elle s'était arrêtée, tandis qu'Antoine, plus impatient à mesure qu'il approchait de son village, avait continué de marcher. Il se retourna brusquement et la vit immobile au milieu du chemin. « Vous trouvez que je vais trop vite, mademoiselle ?» lui demanda-t-il. « Excusez-moi. Aubrive est mon pays natal. J'ai ma famille et j'y reviens en vacances pour la première fois depuis 7 ans. »« Oh !» s'écria-t-elle en se hâtant de le rejoindre. « C'est moi qui vous ai retardé. On vous attend là-bas ?»« On m'attend sans m'attendre. Je leur ai annoncé mon arrivée sans désigner le jour. Je voulais les surprendre. Mais je suis sûr que la maison est déjà sans dessus-dessous et que chaque matin, mon père et ma mère guettent le courrier en se disant « C'est pour aujourd'hui. Si la patache que j'ai devancée arrive avant moi, adieu la surprise. » Les yeux d'Antoine brillaient d'impatience. Raymond examinait son compagnon avec un intérêt croissant et mentalement elle comparait, non sans une vague mélancolie, l'accueil préparé à ce fils ardemment attendu avec la réception presque froide que sa mère lui avait faite à son retour de pension. Elle enviait le bonheur de ce ménage où l'enfant et les parents semblaient si étroitement unis. Les quelques mots échappés au jeune homme avaient suffi pour lui faire entrevoir un intérieur calme, doucement heureux et tout patriarcal. « Maintenant, reprit-elle, me voilà confuse de vous avoir fait perdre mon bonheur. » En relevant la tête, elle rencontra le regard d'Antoine, curieusement fixé sur elle, et elle tressaillit. Les yeux chercheurs du jeune homme semblaient vouloir lire au fond de son cœur. Les longs cils de Raymond se rejoignirent soudain comme des ailes de papillon qui se referment. Il demeura déconcerté. Jamais coup d'œil ne l'avait troublé à ce point, et pourtant ce regard n'avait rien d'offensant. Il était plutôt attentif et indulgent, mais comme il avait pénétré victorieusement jusqu'au fond d'elle-même. Pour la première fois, elle se sentait en face d'un caractère et d'une volonté. « Je ne regrette pas à cette heure-là, » répliqua courtoisement Antoine, d'une voix à la fois grave et très douce. Elle ne parut pas trop mécontente de la réponse. Pourtant, elle demeura silencieuse et doubla le pas. De temps à autre, elle arrachait d'une main distraite des poignées d'herbe et les tendait à Janik, qui les mâchait avidement. Tout à coup, ses yeux tombèrent sur l'un de ses bras, elle s'arrêta et la mine légèrement allongée. « Ah ! S'écria-t-elle, j'ai perdu mon porte-bonheur !» Les sourcils du jeune homme se froncèrent à la pensée d'une nouvelle halte. Raymonde, hésitante, avait déjà fait quelques pas en arrière. Elle devina plutôt qu'elle n'aperçut ce froncement de sourcils et aussitôt, avec un mouvement de tête à la fois insouciant et agacé, qui avait l'air de répondre à un mystérieux scrupule, « Bon, tant pis » murmura-t-elle. « D'ailleurs, » ajouta-t-elle en se remettant à marcher près d'Antoine, « il était laid, et la perte n'est pas grande. » En la voyant se consoler si facilement, son compagnon n'eut garde d'insister, et ils cheminèrent ensemble d'un bon pas. En quelques minutes, ils atteignirent l'extrémité de la tranchée et virent se creuser à leurs pieds le Val d'Aubrive, avec ses collines boisées, son pont à deux dânes jeté sur l'aube et sa route blanche serpentant à mi-côte. « Voici mon pays, » dit Antoine d'une voix émue. « Et voici probablement vos amis qui vous attendent, » reprit Raymond en désignant deux personnages appuyés au parapet du pont. Ils avaient aperçu le jeune homme et agité leurs casquettes en signe d'allégresse, tandis qu'un chien au poil fauve gambattait autour d'eux en aboyant. « Dieu me pardonne, ce sont mes forestiers de la Combe aux Fontaines, » poursuivit la jeune fille. « C'est mon père avec mon vieux maître, » répondit Antoine, dont le cœur bondissait. « En ce cas, je vous quitte, car je ne suis pas de leurs amis. » Elle tendit gentiment la main au jeune homme qui la regardait étonné. « Adieu, monsieur. Ne les faites pas attendre. Bonnes vacances et merci. » Elle s'élança légèrement sur Yannick et partit au grand trot dans la direction de Vivet.